Alors bonjour, merci beaucoup à RDZ de m'avoir invité, de m'avoir donné ce podium pour vous présenter, comme Ludovic le dit si bien, en première mondiale, notre nouvelle stratégie Internet tournée vers le Web 2.0. Le plan de la présentation aujourd'hui, alors tout d'abord, je vais parler un peu du Québec touristique, vous expliquer donc le Québec au point de vue touristique, à quoi ça ressemble. Quelques mots sur mon employeur, le ministère du Tourisme. Je vais vous présenter également Bonjour Québec, qui est non seulement le site web du ministère du Tourisme, mais qui est également le système de gestion de la destination développé depuis 1999 avec un partenaire privé. Je vais faire état de la stratégie de marketing électronique 2005-2008, les bons, les mauvais coups, pour tomber ensuite dans le vif du sujet, donc le Web 2.0 qui est notre prochaine stratégie. Vous parler en guise de conclusion du concours Destination Québec, c'est quelque chose qu'on a mis sur pied pour justement mousser le nouveau site Web 2.0. Et finalement, je vais terminer avec les défis qui nous attendent et qui attendent dans le fond toutes les organisations du genre qui se lancent dans le Web 2.0. Tout d'abord, je vais vous parler un peu de moi, Julien Cormier. Alors écoutez, moi je suis originaire d'un très beau village qui s'appelle La Rochelle, c'est-à-dire que mon arrière-arrière-arrière-grand-père habitait La Rochelle et puis quelque part au 17e siècle a décidé de quitter donc cette belle région pour s'en aller finalement vers des contrées lointaines. Et mon grand-père est allé s'établir dans un petit village de la Côte-Nord qui s'appelle Havre-Saint-Pierre. Encore aujourd'hui, moi et tous les membres de ma famille, on essaie de pardonner à mon grand-père d'avoir fait ce choix, mais bon. Donc, au niveau du Québec touristique, alors le Québec, c'est un territoire de 7 millions d'habitants. Nous avons 4 saisons, Québec un peu comme ici, mais quand on parle de l'hiver, je vous dis, on a vraiment l'hiver. L'année dernière, par exemple, on a eu 500 cm de neige, ça vous donne une petite idée. En termes de superficie, le Québec est 3 fois le territoire de la France. C'est le berceau de la culture française en Amérique. Le Québec, un peu comme la France, je crois, compte 22 régions touristiques, donc 22 départements. On décompte également 5500 établissements d'hébergement, alors que ce soit des petits hôtels, des grands hôtels, des gîtes, alors il y en a 5500. C'est une industrie qui génère 10 milliards de recettes touristiques annuellement, qui compte 100 000 emplois directs et indirects, et c'est un marché principalement domestique avec 75 % des touristes qui viennent de l'intérieur. Cependant, les actions du ministère du Tourisme se concentrent essentiellement vers les marchés extérieurs, c'est-à-dire les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Mexique, l'Espagne et l'Allemagne. Donc, le ministère du Tourisme, alors c'est ma petite slide institutionnelle. Alors, notre mission à nous, employés du ministère du Tourisme, c'est de créer des conditions favorables à la croissance des recettes touristiques du Québec. C'est ce qu'on se dit à chaque matin en rentrant au travail. Et nous avons pour cela 3 principaux mandats. Le premier mandat, c'est un mandat de promotion touristique. Alors, le ministère du Tourisme dispose d'un budget d'environ 15 millions d'euros pour promouvoir la destination donc à travers le monde dans ses principaux marchés. On a également un mandat d'accueil et d'information touristique, c'est-à-dire que le ministère du Tourisme jouit d'un réseau d'accueil. Nous avons 7 offices de tourisme. Nous, au Québec, on les appelle les centres infotouristes. Alors, nous en avons 7. Ce sont des offices de tourisme nationaux qui sont gérés par le ministère du Tourisme. Et nous avons également un centre d'appel, un centre de contact client qui est ouvert 7 jours sur 7, 363 jours par année. Nous sommes fermés seulement à Noël et au jour de l'an. Nous avons la ligne verte pour la France, la ligne également pour le UK, donc on est accessible vraiment en tout temps. Et nous avons également un mandat de développement de la qualité de l'offre, alors par différents programmes, que ce soit le programme de classification des hôtels, par le programme qualité tourisme, alors le ministère est très présent en ce qui concerne la qualité de l'offre touristique. Maintenant, Bonjour Québec, c'est quoi? Comme je vous dis, c'est bien plus qu'un site web. C'est un système de gestion de la destination que nous avons développé en partenariat public-privé. En fait, c'est le premier partenariat public-privé au gouvernement du Québec. Nous avons lancé le partenariat en 1999 et nous avons sélectionné un partenaire, un géant des télécommunications canadiennes qui s'appelle Bell Canada. Et le partenariat a coûté quelques 20 millions d'euros. C'est sûr qu'aujourd'hui, en 2008, ça paraît beaucoup, 20 millions d'euros, mais il faut dire qu'il y a 10 ans, les technologies, c'était des vieilles technologies, ça coûtait quand même assez cher. Alors, le partenaire Bell Canada a investi 10 millions d'euros et nous, 10 millions d'euros pour développer la plateforme. Donc, c'est un partenariat donc initialement de 7 ans et qui a été renouvelé donc jusqu'en 2010. Avant bonjourquebec.com, avant qu'on se lance dans cette belle aventure, alors la stratégie marketing du ministère du Tourisme était essentiellement traditionnelle, c'est-à-dire on faisait énormément de pubs à la télé, à la radio, dans les journaux, ça coûtait quand même extrêmement cher. La banque de données, par exemple, la banque d'informations touristiques pour nos employés était une banque papier. Et moi, quand j'ai commencé ma carrière au ministère, j'étais étudiant, j'étais agent d'information touristique. Et là, c'était vraiment le bazar, parce que on avait, par exemple, au Québec, on a 14 000 entreprises touristiques, et il y avait un cartable pour chacune des catégories d'entreprises. Alors, quand quelqu'un se pointait à mon comptoir et nous demandait « Bonjour, j'aimerais avoir de l'information sur les croisières », on courait derrière le comptoir, on allait chercher le cartable croisière, on donnait l'information. Et si par malheur, la croisière, par exemple, devait changer ses heures d'opération, et là, il fallait faire une photocopie, envoyer ça à travers le Québec. Bref, c'était très archaïque à cette époque de fonctionner avec une banque papier. Alors, on voulait vraiment informatiser la banque d'information touristique. L'autre gros changement, c'était la possibilité de réservation. À chaque fois, par exemple, que des clients venaient au comptoir, pendant 10 minutes, on leur parlait du Québec, on les séduisait totalement, et eux, leur prochaine question était « Maintenant, est-ce que je peux réserver? » Nous, c'était « Non, désolé, voici le guide et vous devez vous organiser vous-même. » Étant donné qu'on est le ministère du Tourisme, procéder à la réservation faisait en sorte qu'on prenait un choix délibéré pour le client qui était devant nous, donc qu'on faisait preuve en quelque sorte de favoritisme. Donc, mais pour nous, le fait de ne pas pouvoir réserver, ça nous empêchait vraiment de boucler la boucle en termes de service client. Alors, on a demandé à notre partenaire Bell Canada de nous développer un modèle d'affaires, donc pour instaurer un moteur de réservation qui serait présent à la fois sur le site web et accessible également à partir du centre de contact client et de tous les offices de tourisme. Et finalement, à l'époque, le site web était davantage institutionnel que promotionnel. Dans le fond, le site web était un ramassis, par exemple, de programmes et politiques du ministère, et c'était également un ramassis de brochures du ministère du Tourisme. Dans le fond, c'était un gros cafouillis. Donc, pourquoi donc on a développé bonjourquebec.com? D'une part, c'était pour lutter contre la concurrence. Déjà, à la fin des années 90, il y avait beaucoup de destinations, comme par exemple l'Écosse, l'Angleterre, qui s'étaient dotées de systèmes similaires. On voulait rattraper un retard technologique, exploiter l'Internet dans le multimédia et dans la promotion, aborder les technologies de l'information et des communications dans une approche planifiée et augmenter et faciliter la consommation des produits du Québec grâce au web. Ici, cette photo-là, je crois que tous les employés de bonjourquebec.com ont cette photo dans leur bureau. Ça s'appelle les sceptiques. Ça, c'est en 97. À l'époque, quand on a décidé de lancer le projet Bonjour Québec, même les employés à l'interne du ministère doutaient que dans les prochaines années, en termes de promotion touristique, ça allait se passer sur le web. Le monde se moquait un peu de nous. On nous disait non, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Donc, cette photo-là fait partie de nos photos qu'on garde précieusement à nos bureaux et qui nous encourage quand on regarde un peu les gens qui n'avaient pas vraiment confiance en nous. Et quand on regarde aujourd'hui, ça a vraiment fonctionné. Alors, un petit clin d'œil au passé. Maintenant, je vous parlais du système de gestion de la destination. En gros, c'est quoi? C'est qu'on a développé 4 principaux services et fonctionnalités. Premièrement, informatiser la banque d'informations touristiques. Je vous disais 14 000 entrées sur les intervenants touristiques québécois. Nous, au ministère, nous traduisons donc l'ensemble des informations. Alors, on parle de 28 000 entrées, donc disponibles en français et en anglais. Et le tout est réparti en 130 catégories, que ce soit croisiériste, hôtel, plage. Bref, on a vraiment toutes les catégories. On a développé également le module transactionnel de réservation, automatisé une solution d'envoi de documents et cartographie dynamique qui est dans le fond la géolocalisation. Et c'est sûr qu'en 97, quand on a lancé la géolocalisation, on trouvait ça très, très « wow ». Il y avait le « wow effect ». C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit les solutions que propose Google Maps, on est un peu moins « wow ». Mais bon, à l'époque, c'était quand même assez révolutionnaire. Ce qui fait la force de bonjourquebec.com, c'est dans le fond les canaux de diffusion. Donc, premièrement, il y a notre site web, notre centre de contact client et nos offices de tourisme. Moi, je vous dirais que les 5 premières années d'opération de bonjourquebec.com, donc entre 1999 et 2004, si nous n'avions pas eu de centre de contact client, donc de centre d'appel et d'office de tourisme, ça aurait été extrêmement difficile pour le partenaire en termes de génération de contenu, parce que de 99 à 2004, la majorité des réservations se faisaient encore via le centre d'appel et les offices de tourisme. Depuis 2005, il y a eu vraiment un mouvement radical. Depuis 2005, la grande majorité des internautes, de nos clients, effectuent directement les réservations sur le site web. Office de tourisme, c'est indiqué 88. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que le ministère du Tourisme disposait de 8 offices de tourisme nationaux, c'est le cas, mais c'est que dans le plan, dans le programme de déploiement de Bonjour Québec, c'est qu'on a déployé la solution à près de 80 bureaux d'information touristique au Québec, donc 80 offices de tourisme. Et nous, le ministère, en tant que leader, on s'est déplacé en région, on a formé les employés, on a fourni l'équipement informatique, on assure le support. Alors, les offices de tourisme régionaux n'ont pas la peine, par exemple, de mettre à jour l'information touristique. Ils ont tout le support pour donner l'information. Et à chaque fois qu'ils effectuent des réservations, on leur donne même une ristourne, ce qui leur permet, par exemple, de financer des emplois étudiants, par exemple, pendant la saison estivale. Et ensuite, il y a les sites partenaires. Des sites partenaires, ce sont des sites, par exemple, qui sont très populaires. Par exemple, le site du Cirque du Soleil, le site du Carnaval de Québec. Et sur ces sites-là, on retrouve, par exemple, un petit bouton réservé en ligne. Et quand la personne réserve sur un de ces sites web, alors c'est notre moteur de réservation qui se cache derrière, mais le tout dans le look and feel, dans le visuel du site. Alors le client qui réserve sur un de ces sites n'y voit que du feu, il pense qu'il réserve sur le site, par exemple, du Carnaval de Québec, mais c'est avec bonjourquebec.com que le client transige. Un petit rappel, Bonjour Québec, alors vous aviez juste ici à votre gauche la version 2002-2006, une version très très très chargée. Nous, pour la refonte, la nouvelle version du site Bonjour Québec, on a décidé d'aller vers une approche un peu plus zen, donc on voit la version 2006-2010 à votre droite. Le grand changement avec la nouvelle version, c'est qu'on a décidé de prendre une approche par marché. Avant 2006, lorsque l'internaute venait sur le site bonjourquebec.com, on demandait « quelle langue parlez-vous ?» Et là, l'internaute avait droit au même contenu, seulement qu'il était traduit. Nous, on voulait vraiment avoir une approche personnalisée. On ne peut pas vendre le Québec, par exemple, aux Français de la même façon qu'on le vend aux Américains. Alors, on a développé une approche où, lorsque l'internaute arrive sur le site web, la première question est « d'où venez-vous ?» Et cette question-là, on ne la pose qu'une seule fois, parce qu'ensuite, on met cookie dans votre ordinateur et ensuite vous n'avez plus à choisir votre provenance. Mais ça, c'est une approche quand même qui a été assez révolutionnaire chez nous au ministère parce que ça nous a permis de mettre de l'avant plusieurs promotions que nous effectuons avec des grossistes étrangers. Un clin d'œil. Quand on a conçu bonjourquebec.com, et moi je tiens à le préciser parce que c'est important, le site a été 100% fait à l'interne, donc fait par des fonctionnaires. Donc on ne voulait pas embaucher une agence de publicité dans le fond qui aurait, dans le fond, chargé quand même assez cher. Je n'ai rien du tout contre les agences de publicité, mais on sait que les agences de publicité, ça aurait coûté quand même assez cher, et dès qu'on veut faire changer quelque chose par la suite, la facture augmente. Nous, on voulait vraiment donc faire le site à l'interne. Alors avec l'équipe de Bonjour Québec, on a vraiment développé l'ensemble du site. Et quand on a conçu le site, on se disait, bon, mais qu'est-ce qui est caractéristique au Québec? Alors, on s'est dit, bon, mais il y a les quatre saisons. Alors, on a développé le site web de sorte à ce qu'à chaque saison, le site va changer automatiquement de couleur. Alors, il y a le vert pour le printemps, il y a le bourgogne pour l'été. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi le bourgogne pour l'été. L'été, c'est jaune. Mais premièrement, le jaune, ça sort mal sur le web. Et deuxièmement, c'est que le bourgogne est la couleur préférée de notre sous-ministre. Alors, on savait qu'au niveau de l'approbation, ça allait aller beaucoup plus rapidement. Donc, il y a l'orange pour l'automne et le bleu pour l'hiver. Alors, ça, c'est un petit clin d'œil sur le site à une de nos particularités. Alors, aujourd'hui, pour clore la présentation du site Bonjour Québec, on peut dire que Bonjour Québec est un site promotionnel, transactionnel et informationnel. Nous avons instauré une approche par marché. Alors, il y a 13 différentes versions. Le site est traduit en 5 langues. Nous offrons un service client 7 jours sur 7 et des sessions de clavardage en ligne. Alors, si jamais vous allez sur le site et vous ne trouvez pas votre information, vous pouvez directement clavarder. Clavarder, c'est le terme québécois pour dire chatter. Alors, un nouveau mot que je vous apprends aujourd'hui. Alors, vous pouvez clavarder directement avec un de nos agents du centre d'appel. Et l'agent, par exemple, au centre d'appel à Montréal, peut prendre le contrôle de votre browser, de votre Internet, et puis vous envoyer les pages que vous recherchez. Nous avons donc informatisé la banque d'informations touristiques, une section brochure électronique, vidéo, jeux, une section sur les médias et finalement un magazine électronique. Alors voilà, Bonjour Québec aujourd'hui. Maintenant, très rapidement, la stratégie de marketing électronique 2004-2007. Alors, nous avions une stratégie somme toute assez traditionnelle. Alors, nous avions des campagnes, des fameuses campagnes de bannières enrichies, des ententes de partenariat de contenu, du paiement au clic et de l'indexation et du marketing par courriel, rapidement. Alors ici, vous avez quelques-uns des exemples de campagnes de bannières que nous avons fait au cours des années. Au début des années 2000, nous avions des petites bannières et dès que ça bougeait un peu, on était tout excités. On disait « Wow, c'est vraiment génial, ça bouge ». Et au fil des années, donc, on s'est vraiment tourné vers des approches beaucoup plus jeux vidéo, des approches utilisant la technologie du streaming, donc en utilisant de la vidéo, donc dans les bannières. Nous, au ministère, on a un budget d'environ 1 million d'euros par année pour effectuer des campagnes du genre. Là, j'aimerais vous montrer en première ici. Je vais vous montrer. La campagne que nous avons lancée la semaine dernière pour le marché de la France, ça va prendre quelques secondes, une campagne que nous avons lancée sur le marché de la France qui s'appelle Cap sur l'Est, donc qui invite tous les Français, donc vous, à venir passer vos vacances en hiver au Québec. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble ici. Et là, je devrais avoir un peu de son. Alors, on va ici démarrer l'aventure et quand on passe notre curseur dessus... Alors là, c'est la première expérience hivernale qui est l'expérience de traîneau à chien. Et l'internaute, en regardant la bannière, par exemple, peut aller voir une autre expérience, par exemple, l'expérience balade dans le Vieux-Québec en cliquant ici. Et finalement, pour les plus aventuriers, il y a finalement la motoneige. Alors, en cliquant en bas, c'est une bannière très, très interactive. On peut avoir une idée à quoi ressemble un tour de motoneige au Québec. Il ne faut pas aller à cette vitesse-là, c'est vraiment qu'une bannière. Et puis, quand la bannière se termine, donc dans le fond, arrivent les offres de forfait, donc tout compris au départ de Paris, donc vers le Québec. Alors, ça vous montre un peu l'évolution de nos campagnes de bannières que nous avons fait au cours des dernières années. Donc, je vais revenir à ma présentation ici. Donc, comme je vous dis, donc c'est environ 1 million d'euros par année pour développer de telles bannières. C'est sûr que c'est très cher. Moi, je vous dirais que si, pour un office de tourisme, si vous voulez vraiment avoir un meilleur retour sur l'investissement, avoir davantage de visites sur votre site web, c'est pas vraiment les bannières qu'il faut, c'est pas vers les bannières qu'il faut se tourner, c'est très, très, très cher. Nous, étant donné que nous avons un nouveau branding, un nouveau slogan, on n'a pas le choix pour les prochaines années d'utiliser, donc, de la bannière. Mais sinon, moi, je vous conseille davantage le mot-clé, la stratégie de mot-clé que je vais vous parler tout à l'heure. La deuxième stratégie que nous avions développée, ce sont les ententes de partenariat de contenu. Alors nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir des portails très populaires et on leur disait, écoutez, vendez-moi un espace dans votre section voyage, pendant toute l'année, on va mettre des nouvelles photos, du contenu, des forfaits. À l'époque, ça pouvait nous coûter peut-être 50 000 euros pour avoir un espace permanent toute l'année. Mais on a laissé tomber cette stratégie à cause du Web 2.0 parce qu'on se disait, bon, pourquoi payer 50, 75 000 euros pour être sur ce site-là alors qu'on va aller sur Wikipédia, on va aller sur Flickr et d'autres sites. On va pouvoir positionner des contenus complètement, tout à fait gratuits et puis on va avoir les mêmes retombées. Donc, c'est une stratégie qui a très bien fonctionné pendant quelques années, mais à cause du Web 2.0, on a totalement laissé tomber cette stratégie. L'autre stratégie, donc, c'est le paiement au clic et l'indexation. Alors, au ministère, on a une liste de 1800 mots-clés, donc motoneige Québec, motoneige Gaspésie, traîneau à chien Québec, traîneau à chien Saguenay, bref, on les a tous. On a 1800 mots-clés traduits dans 5 langues et on a un budget d'achat de mots-clés, donc, sur une base annuelle. On a une enveloppe d'environ 125 000 euros seulement pour être positionné dans les différents moteurs de recherche. Et ça, c'est très important parce que les statistiques démontrent que, je crois que c'est 74% des internautes consultent seulement la première page des moteurs de recherche. Donc, si concernant votre office de tourisme ou vos produits, vous ne figurez pas sur la première page, alors il y a vraiment problème en la demeure. Alors, je vous conseille peut-être de développer soit une stratégie pour mieux indexer votre site web sans tomber dans les détails parce que c'est très technique, ou encore faire des campagnes de mots-clés pour apparaître dans la première page de résultats. Finalement, le marketing par courriel, alors, c'est notre fameux bulletin Bonjour Québec qu'on a lancé en juin 2003. À l'époque, nous avions quelques 16 000 abonnés. Aujourd'hui, en 2008, nous avons 215 000 abonnés au bulletin qui reçoivent le bulletin tous les 3 mois. La majorité des abonnés sont des Français. C'est très drôle. On est très heureux. Une question, est-ce qu'il y a des abonnés dans la salle par hasard? Levez la main s'il y a des abonnés. Un abonné? Alors, monsieur, vous méritez un magnifique CD d'une compilation de musique québécoise. Vous viendrez me voir après la présentation. Vous voyez que c'est payant de s'abonner au bulletin Bonjour Québec. Alors, je vous invite à le faire. Alors, écoutez, le marketing, le bulletin électronique, pour nous, c'est la façon la moins chère de rejoindre chaque internaute. Alors, le bulletin est fait 100% à l'interne, le montage graphique, la rédaction. On loue seulement les services d'une entreprise pour envoyer le bulletin par des serveurs puissants. Et pour rejoindre un seul internaute, dans le fond, ça nous coûte 1/10 d'un centime. Donc, c'est très, très, très peu cher. Les résultats, donc, Bonjour Québec, au 31 décembre, donc 11 fois plus de visites web qu'en 1999, 4 fois plus de courriels. Cependant, étant donné que le web augmente de façon vraiment étonnante, il y a des répercussions sur les autres canaux. On parle de 60% de moins d'appels téléphoniques, 40% de moins d'actes de renseignement au comptoir, donc 40% de moins de visites dans les offices de tourisme, 20% de moins d'envois postaux et les réservations web sont en croissance. Maintenant, j'arrive à la partie Web 2.0. Qu'est-ce qui a poussé le ministère, dans le fond, à prendre le virage Web 2.0? C'est donc les dernières statistiques. Donc, on voit que 80% des internautes préparent leurs vacances en ligne. De 30 à 50% des internautes achètent des services touristiques en ligne. Alors, ça peut être des titres de transport aérien, réservation d'hôtel. Alors, c'est quand même assez élevé. Le consommateur veut participer, s'exprimer, coproduire de l'information. C'est le phénomène du C2C, donc du consumer to consumer. On a entendu au début des années 2000 le B2B qui était le business to business, le B2C, business to consumer. Donc, maintenant, le Web 2, c'est vraiment le phénomène du C2C. 75% des utilisateurs se disent influencés par du contenu généré par les utilisateurs lors de l'achat en ligne. Un internaute visite en moyenne 5,4 sites lors de sa recherche de voyage, donc est très peu fidèle à une marque, donc à un site en particulier, d'où l'importance de se démarquer. Et finalement, la réservation tardive est très ancrée dans les pratiques. Ce qui nous a amené à prendre le virage également, c'est la base ici. Moi, je vous conseillerais qu'avant de prendre quelques actions marketing que ce soit, c'est toujours important de regarder le cycle de vie du consommateur. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment définitif. C'est qu'une personne, quand elle décide de voyager, il y a toujours 7 étapes. Alors, premièrement, il y a le déclic. Donc, c'est l'événement qui déclenche le rêve. Ça peut être voir une pub dans un magazine, voir une pub à la TV, un ami qui vous parle d'un voyage qu'il a fait. Alors, il y a une phase de déclic. Ensuite, il y a une phase de considération. C'est le moment où le voyageur, par exemple, compare ses options. Okay, est-ce que je vais à Québec ou je vais à New York? La personne commence à rechercher un peu, compare ses options. Finalement, une fois que la personne est décidée, il y a la phase de recherche. Donc, le voyageur se documente, multiplie ses sources d'informations. Arrive ensuite la phase de planification. Donc, il concrétise son projet, devient plus rationnel dans son approche. Donc, les dates, disponibilité, service. Donc, ensuite, le consommateur réserve. Finalement, arrivé à destination lors du voyage, il aura besoin peut-être de communiquer avec des professionnels, donc dans différents offices de tourisme. Et finalement, il y a le après, et le Web 2.0 concerne beaucoup le après. C'est lorsque le voyageur partage ses impressions et ses expériences, bonnes ou mauvaises, et il devient à son tour l'influenceur. C'est le cycle de vie du voyageur nous a aidé à développer la nouvelle version de BonjourQuébec.com. Alors, on a développé 3 grandes sections. La section découvrir, qui est en quelque sorte le catalogue des produits et services touristiques du Québec. La section planifier, donc une personne est sûre, lorsque la personne est certaine qu'elle veut venir au Québec, alors ce sont les outils qu'on lui met à la disposition pour planifier son voyage. Et finalement, le bloc réservé. Maintenant, j'y arrive. Le virage promotionnel, le virage stratégique Web 2.0 au ministère du Tourisme a pris 2 formes. Il y a tout d'abord un virage promotionnel, c'est-à-dire que nous avons embauché une personne, notre agente 002 comme nous l'appelons. Donc, c'est une employée, c'est une première au gouvernement du Québec, une personne, une agente d'information qui travaille à temps plein et le rôle de Michel, c'est son nom, ça d'ailleurs c'est sa photo Facebook. Donc, le rôle de Michel, c'est vraiment d'aller sur des sites web, positionner des contenus du Québec touristique. Vous avez des exemples ici sur Wikipédia. Donc, on a fait la même chose sur Wikitravel. Donc, vous avez l'exemple « 4 ways to discover Québec ». Alors, tous les contenus qui ont été positionnés là ont été positionnés par Michel. Donc, les contenus ont été rédigés, on a mis des photos et l'ensemble des liens amènent sur notre site Internet, donc ce qui favorise notre indexation. Mais faites attention, nous au départ, quand on a mis des contenus sur Wikipédia, on pensait pouvoir mettre n'importe quoi. Totalement faux. Parce que nous au départ, on disait, venez au Québec, c'est majestueux, grandiose, et là, il y en avait des adjectifs. Et dès qu'on a mis le contenu, peut-être 30 minutes plus tard, on a reçu un courriel de Wikipédia nous disant, s'il vous plaît, un peu plus factuel, enlevez les grandioses, majestueux, allez-y, droit au but. Alors, si vous mettez des contenus comme ça sur Wikipédia, allez-y vraiment de façon très simple. On a également mis des photos sur Flickr. C'est un projet pilote. On avait mis 36 photos. On compte mettre la banque de photos de Tourisme Québec dans 4600 photos sur des sites comme Flickr, avec pour chacune des photos la source, le lien vers bonjourquebec.com. Ici, vous avez l'exemple sur YouTube. YouTube, la problématique, c'est une problématique de droit d'auteur, c'est-à-dire qu'actuellement, nous pouvons mettre des vidéos grande nature qui ne comportent aucun figurant, parce que nous, à chaque fois qu'on fait du tournage avec des figurants, du tournage promotionnel, les gens sont membres de l'Union des artistes. Alors, quand on veut réutiliser le clip vidéo, on doit payer les figurants pour une période définie. Donc, c'est sûr et certain qu'actuellement, on ne peut pas mettre par défaut à l'année longue des clips promotionnels montrant des figurants sur YouTube. Chose certaine, c'est que les prochains, par exemple, les prochains tournages, les figurants vont devoir signer un formulaire de release pour vraiment céder leurs droits à une telle utilisation. Mais si jamais vous avez des vidéos, faites bien attention à ce que les droits soient vraiment libérés pour l'utilisation des figurants, sinon vous pouvez vous ramasser avec certains petits problèmes. Nous avons également créé un groupe sur Facebook, le groupe Bonjour Québec, on a lancé l'an dernier. Aujourd'hui, il y a quelques 300 membres. C'est également notre agente web 2.0, Michel, qui doit alimenter le groupe. Elle doit faire, son rôle, c'est de faire des concours, dynamiser le groupe. Parce qu'encore une fois, c'est bien beau de faire un groupe Facebook, mais si le groupe est statique, s'il n'est pas animé, ça sert absolument à rien. Il y a beaucoup de gens qui vont poser des questions sur le groupe, donc il faut répondre à ces questions-là. Alors, comme je disais hier, avant de vous lancer dans une telle aventure, assurez-vous d'avoir des ressources quand même pour assurer l'ensemble de ces réponses. L'autre virage stratégique, c'est vraiment l'approche fonctionnelle. Donc, nous, le ministère, depuis les 18 derniers mois, nous avons donc développé un microsite Web 2.0. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit, donc, pourquoi vous vous avez pas utilisé, par exemple, YouTube ou autre. Nous, on a fait des exemples sur le site, par exemple, des Pays-Bas. Leur approche est de, par exemple, prendre les contenus de YouTube et de les mettre directement sur leur site. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucun contrôle. Nous, on a fait le test, on a été sur YouTube, on a mis une vidéo de Montréal et on a inscrit que c'était une vidéo de la Hollande. Et puis, pendant 2 jours, le vidéo de Montréal s'est ramassée à la première page du site des Pays-Bas. On l'a retiré par la suite, mais c'est seulement pour vous montrer que nous, on ne pouvait pas avoir cette approche-là. Nous sommes gouvernementales, on préfère avoir le contrôle des contenus qui vont être sur notre site. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de développer. Alors, comme Ludovic disait en première mondiale, je vais vous montrer donc les maquettes du nouveau site. C'est un tournage qu'on a fait avec une cam, donc je vais y aller quand même assez rapidement. Le site s'appelle Destination Québec. Le site va être accessible également à partir de bonjourquebec.com. Alors, vous êtes prêts? Alors, je vais vous montrer donc la page d'accueil. Attendez, donc je vais le partir. Alors, ici, vous avez donc sur la page d'accueil, donc la partie carnet de voyage, photo, et d'emblée, on met de l'avant les vidéos récentes, il y a une section coup de cœur, et l'internaute peut y aller par, choisir par expérience. Est-ce qu'il peut surfer par photo, la personne veut surfer, par exemple, découvrir des photos, des vidéos ou bien des carnets de voyage, alors les trois types d'expériences sont mentionnés. On peut également chercher par catégorie, alors activité nautique, architecture, paysage, alors tous les contenus sont tagués par les internautes eux-mêmes et vont pouvoir être accessibles donc par des grandes catégories. L'internaute va également pouvoir choisir en fonction des régions touristiques. Moi, la région qui m'intéresse davantage, par exemple, c'est la région de Montréal. Alors, en cliquant, par exemple, Montréal ici, on va m'indiquer, donc il y a une petite photo, on va m'indiquer le nombre de photos, vidéos et carnets de voyage relatifs à Montréal. Et on peut également y aller en browsant, excusez l'anglicisme, en y allant sur la carte. Alors, tous les contenus vont être géolocalisés sur la carte et l'internaute va pouvoir, par exemple, se promener un peu partout sur la carte du Québec et voir les différents contenus qui ont été véhiculés, donc, par les internautes. Finalement, les contenus sont également tagués par saison. Alors, une personne qui veut absolument n'avoir que des contenus de l'hiver va pouvoir le faire via le site. Et il y a également une partie coup de cœur. La partie coup de cœur, dans le fond, qui est générée par le public selon le vote populaire. Alors, les coups de cœur vont être disponibles sur la page d'accueil du site. Ici, vous avez un exemple, par exemple, d'une unité de contenu qu'on peut évaluer. On peut écrire le commentaire. Et puis, voilà pour la partie du microsite. Je vais vous montrer maintenant la partie, l'espace personnel. Donc, une fois qu'une personne s'est créé un compte, je vais vous montrer ici, espace perso. Donc ici, on arrive à son compte Bonjour Julie. Alors là, on peut éditer mon profil, par exemple. On peut, par exemple, choisir les intérêts touristiques, changer le mot de passe, bref, les trucs de base. On a accès également à toutes les photos que l'internaute a téléversées dans son espace. On peut même éditer les photos. Donc ici, je vais vous montrer l'exemple, la forêt. Donc on peut aller éditer la photo. Donc pour chacune d'elles, on va la positionner directement sur la carte grâce à l'API de Google. Et par la suite, on peut aller entrer une série de mots-clés pour bien que les contenus soient retraçables sur la plateforme par les internautes. Si on monte un peu, donc, voyez-vous, partager photo. Et là, on peut aller chercher, donc, on peut aller dans son ordinateur, son disque dur, on va aller ajouter, partager des photos. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est sélectionner des fichiers. Et les photos sont automatiquement téléversées, donc, dans l'espace. Et une fois que la photo est téléversée, donc c'est là que l'internaute, on espère, a le devoir, par exemple, de compléter les informations. Alors, le titre de la photo. Ensuite, il y a la description. Plus de détails, c'est la carte Google, alors on peut aller localiser. Mais l'internaute doit inscrire, par exemple, la saison, l'été, la région touristique, dans la mesure où il la sait. Et ensuite, la catégorie, donc architecture et paysage. Et ensuite, va la localiser sur la carte. Alors, on espère que les internautes fassent cette étape-là parce que sinon, les contenus vont être très difficiles à être retrouvés sur la plateforme. Et finalement, ce que je vais vous montrer, la dernière capture, c'est l'interface de modération. Donc, tous les contenus qui vont être téléversés sur bonjourquebec.com vont être modérés a priori par les agents du centre d'appel. Donc, aucun contenu ne va se retrouver en ligne sans avoir fait l'état de la modération. Je vais vous montrer maintenant l'interface que va utiliser nos agents d'information touristique. Alors ici, par exemple, l'employé le matin va avoir accès au nouveau contenu. Donc, on va cliquer sur un contenu en particulier. Alors, on va aller dans « Modérer ». Alors, on voit la photo, on voit le texte, on voit la géolocalisation. Le préposé au renseignement peut, si jamais il le juge, changer la géolocalisation si, par exemple, l'internaute n'a pas mis le bon point. Ensuite, sur le côté vérification, texte, région, saison, tout est beau. On a un bloc commentaire interne. Donc, si, par exemple, une photo est superbe et qu'on l'envoie au département du marketing pour qu'on contacte l'internaute pour l'utiliser, il y a une section commentaire interne. Il y a une section également commentaire public. Alors, le modérateur peut même faire un commentaire sur le contenu téléversé par l'internaute, soit en disant « très belle photo » ou en disant « malheureusement, la distance entre Québec et Montréal n'est pas de 12 heures, mais de 3 heures ». Donc, on a une section commentaire public. Et également, pour chacun des contenus, le préposé au renseignement, l'agent d'information touristique doit ajouter un lien d'intérêt du site bonjourquebec.com. Alors, comme ici, voyez-vous, on a la ville de Québec, mais alors, on va aller chercher dans le site bonjourquebec.com le lien qui concerne la ville de Québec et ça va être affiché à côté de chacun des contenus. Alors, il va avoir une symbiose complète entre le site Destination Québec et le site Bonjour Québec. Alors, voilà pour ça. Les étapes de modération rapidement. Donc, le contenu est téléversé par un internaute et il y a modération par les agents modérateurs du centre d'appel. On espère un délai de 24 heures maximum. Ensuite, il y a une approbation officielle du contenu et une diffusion sur le site de Bonjour Québec. Et ensuite, il y a une possibilité de retrait du contenu post-modération si un internaute alerte l'équipe de modération pour signaler que le contenu est approprié par le petit bouton « Alerter le modérateur » si jamais un contenu nous aurait échappé. Donc, ici, vous avez également en primeur la prochaine page d'accueil de bonjourquebec.com parce que nous allons lancer le site à la mi-janvier et donc il faut intégrer le bloc partagé. Et nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de poursuivre le cycle de vie du voyageur, c'est-à-dire qu'il y aura toujours le bloc découvrir, le bloc planifié, le bloc réservé et finalement, on va se rajouter sur le site le bloc partagé. Et là, partager photo, vidéo, carnet de voyage et en cliquant sur une de ces icônes, on arrive directement sur la plateforme. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour lancer la plateforme? C'est que depuis hier, en France, nous avons lancé un concours. Alors, le concours s'appelle Destination Québec. C'est que pendant les deux prochaines semaines, vous allez voir un peu partout sur des sites comme le Nouvel Obs, le Figaro, Orange, des bannières qui vous incitent à vous inscrire au concours Destination Québec. Quel est ce concours? C'est que nous, on veut sélectionner deux couples de Français qui seraient disponibles à venir au Québec à partir de la mi-janvier. Et nous, on vous paie tout, hein, le billet d'avion, le transport, Et ce que vous allez faire, c'est que pendant une semaine, vous allez vous promener au Québec, suivi d'un caméraman. Et puis, à chaque jour, le caméraman va faire un montage des activités que vous avez faites pendant la journée et va mettre ça sur la plateforme Web 2 le soir. Et parallèlement à ça, en France, en janvier-février, il va y avoir une campagne de publicité qui va dire, par exemple, « Suivez les aventures de Julien et Loïc au Québec ». Donc, le concours est ouvert depuis hier. Si jamais ça vous intéresse de vous inscrire, je vous y invite. Vous n'aurez pas de passe-droit parce que vous me connaissez, donc l'adresse pour s'inscrire, c'est destination.bonjourquebec.com/fr. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire, téléverser une photo de vous, une photo de votre coéquipier. Et là, ça peut être le père et le fils, deux amis, nous, on n'a pas vraiment de définition de couple. Et au début décembre, on va procéder à la sélection des candidats pour venir vivre cette aventure en janvier. Alors, si l'aventure vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Et nous, c'est le concours qu'on a décidé de mettre en place pour justement mousser la nouvelle plateforme Donc Web 2.0, qui débute hier et jusqu'au 30 novembre prochain, partout en France. La chose que nous comptons faire également l'an prochain, c'est installer à l'aéroport de Montréal, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, un vidéomaton. Un vidéomaton, c'est quoi? Mais c'est comme un photomaton. Mais ce qu'on compte faire, c'est qu'on compte concevoir un vidéomaton de sorte à ce que la personne, avant de quitter Montréal, avant de quitter le Québec, elle puisse livrer ses impressions dans un vidéomaton. Une fois que la capsule vidéo est enregistrée, la personne peut l'envoyer à ses amis pour dire « Ah, c'était vraiment délirant, j'adore ». Mais également, le vidéo va se retrouver sur la plateforme Destination Québec. Alors, ça va être assez rigolo de voir les gens qui ont aimé le Québec, je l'espère, et qui partent avec la mort dans l'âme. Mais on compte installer ça à l'aéroport Montréal dans les prochains mois. Donc, en guise de conclusion, comme je vous disais, les défis qui nous attendent, c'est vraiment la modération. Donc, nous, on a opté pour une modération. Donc, a priori, nous sommes conscients que c'est un handicap, étant donné que la plupart des sites Web 2.0 offrent une modération a posteriori. Donc, les contenus sont modérés après la diffusion. Mais nous, étant donné que nous sommes le gouvernement du Québec, nous avons une image à projeter. Donc, on veut vraiment s'assurer que, par exemple, des groupes de lobby pour la chasse aux phoques, par exemple, à émettre des photos de phoques ensanglantées, par exemple, sur le site. Donc, on veut éviter toute forme de lobby possible, toute forme de commentaires de nature politique ou autre. Donc, pour nous, étant donné que nous sommes institutionnels, je crois que c'est le cas pour tout le monde, on essaie d'être le plus clean possible. Donc, mais encore une fois, l'autre défi, c'est l'authenticité, jusqu'où laisser les internautes s'exprimer. C'est sûr que nous, la position que nous avons prise, c'est que tous les commentaires vont être diffusés. Positif ou négatif, c'est sûr qu'il y a un certain ton à respecter, il y a des mots qu'on ne veut pas, mais une personne qui est venue au Québec qui va raconter « j'ai détesté, il n'y a plus tout le long, les gens ne sont pas accueillants, nous, c'est son opinion à lui, on va le laisser sur le site web ». Sauf qu'on va peut-être, notre agent modérateur va peut-être réagir avec lui pour savoir quelles sont les sources de sa frustration et essayer d'amenuiser le tout, mais nos commentaires positifs ou négatifs vont être diffusés donc sur le site « Bonjour Québec ». Et l'autre chose au niveau de la modération, ce qui est très complexe, jusqu'où laisser les gens s'exprimer, c'est dans les photos. Par exemple, ici, vous avez quelques exemples. Est-ce que, par exemple, on va laisser passer des photos, par exemple, où la marque de commerce d'une entreprise est très prédominante parce qu'il se peut que des intervenants touristiques fassent des fausses photos avec leur marque de commerce en gros plan seulement pour avoir de la publicité sur la plateforme Destination Québec. Est-ce que, par exemple, on va laisser sur le site des mineurs prendre de l'alcool, ne serait-ce qu'un verre de vin ou une bière autour d'un feu de camp? Si oui, le ministère peut s'accuser de favoriser la consommation d'alcool chez les jeunes. Nudité partielle, par exemple, la photo ici, la demoiselle. Donc, pour les parents qui ont pris la photo, c'est peut-être une superbe de belle photo de voyage. Par contre, le ministère du Tourisme peut être taxé de favoriser la pédophilie si on laisse diffuser une de telles photos sur le site. Et vous avez également d'autres photos, l'alcool, la chasse. Donc, je vous dirais que la modération, les critères de modération, c'est encore quelque chose qu'on doit établir tous les jours et qu'on va établir donc pour les 3 prochains mois parce que, encore une fois, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Donc, finalement, nous avons une autre campagne promotionnelle en France. Alors, si jamais vous gagnez pas le concours et que vous voulez venir quand même au Québec cet hiver, alors vous avez la campagne Cap sur l'Est qui roule actuellement. Donc, bonjourquebec.com, Cap sur l'Est. Alors, moi, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et puis, j'aimerais beaucoup, éventuellement, l'année prochaine, si je suis invité, et là, je ne quémande pas les invitations, mais venez présenter les résultats de la plateforme. Alors, merci de votre accueil et merci de votre attention. Merci beaucoup, Julien. Et J'avais une dernière chose, si tu me permets, Ludovic. Donc, étant donné que je vous ai présenté, donc, en première mondiale, le site bonjourquebec.com, alors moi, ce que je vais faire, je vais prendre une photo de l'audience et à partir du mois de janvier, je vais mettre la photo sur la plateforme, bien que ce n'est pas au Québec. Mais si vous allez sur la plateforme et vous tapez Ardaisy, je vais m'organiser, étant donné que c'est moi qui m'occupe du site, je peux avoir des passe-droits. Si vous tapez Ardaisy, vous allez pouvoir tous vous voir. Merci beaucoup.